ma caisse enfoirée. J'ai le cœur en chantier, je suis un homme entier. Que tu me préserves de mendier. Me tente pas de te planter, visage ensanglanté. J'rappe une partie de ma vie, réussie ou ratée. Je représente ma banlieue et AMV 9300. J'ai grandi dans le milieu, j'ai arraché les passants. On n'est pas trop patient, on veut tout et tout de suite. Ça devient agaçant, je vais rouler un autre shit. Des fois dans le ciel, j'aperçois des têtes humaines. Encore hier, Imen voulait que je lui pète l'hymen. Si je suis blindé, je vous dis tout sauf Itazen. Porte foutre ta bouche, d'après mon sourire de hyène. On n'est pas les pires à plaindre, y'a toujours pire que nous. Je préfère crever debout que mourir à genoux. Moi j'aime peu de gens comme ça, je suis peu déçu. N'oublie jamais, y'a Judas et Jésus. Les années de la vie nous rallient. Les unes depuis notre enfance, une famille. Forgé dans les ruelles sombres de ma ville, c'est parti. Naître avec un chiffre de 6 parties. Les années de la vie nous rallient. Les unes depuis notre enfance, une famille. Forgé dans les ruelles sombres de ma ville, c'est parti. Naître avec un chiffre de vie, une partie. Un jour tu gagnes, un jour tu perds, frère. Mais je reste en place, je suis hyper fier. Merde, je regarde mes liasses comme un pervers plaire. Pourquoi faire tant que les miens me valident? De la verte et du verbe, je bouge mes lèvres, c'est plein tarif. Je fais 30 trucs en même temps. J'suis pas à vendre en surendettement. Y'a toujours des plantes dans mes sous-vêtements. J'sais pas combien d'impact faudrait pour les faire taire. Le passé reste intact même quand les blessures se ferment. Même on n'a rien dit, ça non, on a beaucoup fait. Dernier de la classe, toujours au fond que le couteau se plaît. Vu que j'fais mal, j'vise les thunes. On a tous niqué la terre mère à l'image, un pêle-mêle de fils de pute. J'ai le seum, j'tors le coup. En tout cas dans ma tête, en tout cas dans ma tête. C'est moi seul contre tous, y'a pas plus généreux qu'un peuple pauvre. J'fais bien le mal jusqu'à ce que l'un des deux me sauve, même. Les années de la vie nous rallient. Les unes depuis notre enfance, une famille. Forgé dans les ruelles sombres de ma ville, c'est parti. Naître avec un chiffre de 6 parties. Les années de la vie nous rallient. Les unes depuis notre enfance, une famille. Forgé dans les ruelles sombres de ma ville, c'est parti. Naître avec un chiffre de vie, par qui. Voici les disciples du Z, aucune main nous sera tendue. Tu me connais pas, mais je sais déjà que tu nous as entendus. J'ai vendu un pêle-mêle de mes plus belles paroles rendues. J'ai pondu des CD que toutes mes idées ont fondu. J'ai bicrave toute ma vie, j'ai la phobie administrative. Aujourd'hui je fais de la musique, faut que je régularise ma vie d'artiste. Que je m'esquive, nique sa mère, que je récolte les fruits semés. 20 ans de règne, le fil de fer a failli nous ficeler. Tous les petits frères sont d'ogetards et les plus grands sont morts sous. On met des chaînes en or, la mort est accrochée à notre cou. Des procs folles, des crocs de fous, regarde pas gaveur. On se reverra devant Dieu alors qu'on s'était dit à tout à l'heure. On bande sur les armes à feu comme dans les films de gangsters. L'image du grand frère change depuis que la drogue dure en terre. Un bisou à nos grandes sœurs qui ont su se respecter. Aujourd'hui les petites font les putes avant de se faire baiser. L'usine avec un, la dernière lettre de l'alphabet. C'est avec un grand A que mes soifards sont assoiffés. On a écrit notre histoire sans en lire le synopsis. J'ai pas besoin d'un appui, j'ai Tony Tox. Ici la secte, y'a rien pour les jeunes, y'a que des vieux à la tête, c'est chum. J'perds du temps sur la plaie. Char et j'traîne et c'est déjà un sport extrême. J'aime les voitures italiennes et les grosses putes, alors je les respecte. Derrière la DSL, j'suis avant la DSL. J'dis moins de merde que BHL, j'les achève, j'étais sur le point de perdre. Il faut des soins pour les gens du coin. Parce qu'à la fin, ça marche pas de fumer des joints. Même au début, mais on est con, même si on croit qu'on est bon. J'parle que de ce que j'connais bien, comme j'connais rien. J'parle peu. Ce sont des chiens, ils aboient de sombres dessins. Niquette, dans les magazines, je vois monter les chiffres en direct. Je mets des doubles chiffres d'ambidex. Je fais le tour du périph', toujours à la dérive. Classe sociale, y'a pas d'intérim. Code postal, il est terrible. Les années de la vie nous rallient. Les unes depuis notre enfance, une famille. Forgé dans les ruelles sombres de ma ville, c'est parti. Naître avec un chiffre de 6 parties. Les années de la vie nous rallient. Les unes depuis notre enfance, une famille. Forgé dans les ruelles sombres de ma ville, c'est parti. Naître avec un chiffre de vie, par qui.